Nous voulons venir plus tôt. Amen. Et faire et terminer plus tôt. Alléluia. Amen. If you want us to close late, si vous voulez qu'on termine tard, then let me know. I'll come late. Then donc, informez-moi comme ça nous allons arriver en retard. Everybody will come late. Nous allons arriver en retard. Then we'll close late. Et on va terminer en retard. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Yeah, so let's try and come early. Donc, arrivons plus tôt. Because I don't think that you want to stay here late. Parce que je ne pense pas que vous voulez durer ici. Alléluia. Amen. Is it a good idea? Est-ce une bonne idée? So come early. Donc venez tôt. And those who are coming late. Et ceux qui viennent en retard. When they come, tell them that. Quand ils viennent, dites-leur. They should come early. Qu'ils doivent venir plus tôt. Alléluia. Amen. Is it a good idea? Est-ce une bonne idée? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Alléluia. Tonight we want to continue with our topic. Ce soir nous voulons continuer avec notre sujet. The causes of backsliding. Les causes de la rétrogradation. What causes people to backslide? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent rétrograder? And we are learning about that topic. Et nous sommes sur ce sujet. Hallelujah. Amen. So that you will not backslide. Afin que tu ne rétrogrades pas. Hallelujah. Amen. So that you can also help somebody not to backslide. Afin que tu aides aussi quelqu'un à ne pas rétrograder. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So take the word of God seriously. Donc prenez au sérieux la parole de Dieu. Because it's going to stabilize you. Parce que ça va vous stabiliser. Hallelujah. Amen. If you are not stabilized, si tu n'es pas stabilisé, you cannot prosper. Tu ne peux pas prospérer. You can't go for it. Tu ne peux pas aller de l'avant. You can't flourish. Tu ne peux pas fleurir. Hallelujah. Amen. So, it's a very important topic that we are learning. Donc nous apprenons sur un sujet très important. Hallelujah. Amen. So, if you want to go forward, donc si tu veux aller de l'avant, you need to be able to stand on your feet. Tu dois être capable de tenir debout sur tes pieds. Hallelujah. Amen. Before you can move. Avant de pouvoir te déplacer. Alléluia. Amen. But if you can't stand and you are trying to fall, mais si tu ne peux pas tenir debout et tu essaies de tomber, you can't move forward. Tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Do you understand it? Est-ce que vous comprenez yeah, cela? So you need to be able to stand. Donc tu dois être capable de tenir debout. And these are the things that will make you stand. Et ça sont les choses qui vont t'aider à tenir stabilize debout. You. Et vont te stabiliser. Amen. Amen. If you see a tree, si vous voyez un arbre, that is bearing fruits. Qui porte du fruit. Hallelujah. Amen. It's because the tree is standing. C'est parce que le fruit, l'arbre est debout. Hallelujah. Amen. But if the tree is not standing, mais si l'arbre ne tient pas debout, today is standing. Aujourd'hui il est debout. Tomorrow is fall down. Demain il est tombé. Then we'll bring it back to stand. Et on le redresse encore. The next day is falling. Le jour suivant then il tombe. We'll make it stand again. Et on le redresse encore. You will never have a fruit on that tree. On n'aura jamais de fruit sur cet arbre. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so you are being established. Donc tu es en train d'être établi. You are being made firm. Tu es en train d'être affermi. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So take it very seriously what we are talking about. Donc prenez au sérieux ce dont on parle. Amen. Amen. Yeah, so we last week we were talking about shallowness. La semaine passée nous parlions de la superficialité. Hallelujah. Amen. If you are shallow, si tu es superficiel, if you are not deep, si tu n'es pas profond, hallelujah. Amen. You know, a tree when it's not deep, vous savez, un arbre quand c'est pas profond, and the wind blows, et le vent souffle, hallelujah. Amen. You see that a tree can fall. Vous allez voir que l'arbre peut tomber, and the wind will blow, et le vent va souffler, hallelujah. Amen. As a Christian, know that the wind will blow in your life. En tant que chrétien, sache que le vent va souffler dans ta vie. Amen. Amen. You have situations, tu vas avoir des situations that are like winds, qui sont comme le vent. Hallelujah. Amen. That will blow you. Qui vont souffler sur toi. And if you are not strong, et si tu n'es pas fort, if you are shallow, si tu es superficiel, and you are not deep, et tu n'es pas profond, you can fall. Tu peux tomber. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So shallowness is like you are not deep. Donc la superficialité, you are not deep. Tu n'es pas profond. As a Christian, en tant que chrétien. Amen. Amen. So the situation of like poverty. Une situation comme la pauvreté. Not even poverty, maybe some financial situation. Pas même la pauvreté, mais une situation financière. Can make you fall. Peut te faire tomber. If you are not deep. Si tu n'es pas profond. Hallelujah. Amen. A relationship. Une relation. Can make you fall. Peut te faire tomber. If you are not deep. Si tu n'es pas profond. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec yeah. moi? A relationship. Une relation. A family. Une famille. Your marriage. Ton mariage. Can make you fall. Peut te faire tomber. If you are not deep. Si tu n'es pas profond. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? That's why shallowness comes in. C'est là où la superficialité intervient. When you are not deep. Quand tu n'es pas profond. Hallelujah. Amen. When you are not deep. Quand tu n'es pas profond. You can be deceived. Tu peux être trompé. You can be deceived. Tu peux être trompé. Anything anybody say, you take it. Tout ce que tout le monde va te dire, tu vas croire en ça. Hallelujah. Amen. But you are not supposed to. Mais tu n'es pas supposé faire Amen. Ça. Amen. I remember when I started as a Christian. Je me souviens quand j'ai commencé en tant que chrétien. Hallelujah. Amen. There was this lady friend. Il y avait cette fille, mon amie. Was Jehovah Witness. Qui était témoin de Jéhovah. Hallelujah. Amen. Yeah, she comes to our house. Elle venait chez nous. My cousin is a friend of my cousin. L'ami de mon cousin. Hallelujah. Amen. So she became like my friend. Donc elle est devenue comme mon amie. So she will come, we'll talk. Donc elle vient, on Then parle. With time, she was coming with some things. She was coming to share their tracks. Et avec le temps, elle venait partager their tracks. Those tracks that they write. They have. Leur prospectus. Aha. Amen. Hallelujah. So those tracks, they have something. They talk about subjects, a lot of things in those tracks, small tracks. Donc sur cela, il y avait des sujets dont sur lesquels ils discutaient. So she would come and then read it with me. Donc elle venait et lisait avec moi things. Et m'expliquait des choses. Hallelujah. Amen. That there's no heaven, some things. Il n'y a pas de ciel. Hallelujah. Des choses vagues. Hallelujah. Amen. But those times. Mais en ces temps. I believed so much that. Je croyais tellement que. She couldn't change my mind. Elle ne pouvait pas changer ma pensée. She'll bring it. Elle va venir avec. She'll bring a subject. Elle va amener un sujet. And she will explain, but I didn't have some explanation. Elle va m'expliquer, bien que je n'avais pas d'explication. Like why I don't accept what she's saying. Je n'avais pas d'explication sur pourquoi je n'acceptais pas ce qu'elle disait. Hallelujah. Amen. But I was deep. I was like, this thing is not true. Mais j'étais profond. Je me disais que cette chose n'est pas vraie. I believed in heaven. Je croyais au ciel. So she couldn't convince me. Donc elle ne pouvait pas me convaincre. Hallelujah. Amen. Yeah, we'll read. Okay. I'll say okay. Donc on va lire et je vais dire ok et puis c'est tout. She couldn't convince me. Elle ne pouvait pas me convaincre. Hallelujah. I didn't know a lot of scriptures. Je ne connaissais pas beaucoup de versets. But I believe that there's heaven. Mais je croyais qu'il y a le ciel. Hallelujah. Amen. So much that she couldn't convince me that there's no heaven. Au point où elle ne pouvait pas me convaincre qu'il n'y a pas de ciel. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. That's how it should be. C'est comme you ça don't que need ça devrait to être. Know the whole Bible. Je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible. Amen. Amen. So far as you believe that Jesus Christ came to die for you. Aussi longtemps que tu crois que Jésus-Christ est venu mourir and pour gone. Toi, et c'est Dieu. The Bible said that he's gone to prepare a place. La Bible dit qu'il est parti nous préparer une and place. And one day I'm also going there. Et qu'un jour moi aussi you j'irai can't là-bas. Come and convince me that it's not true. Tu ne peux pas venir me convaincre que ce n'est pas vrai. Unless I don't believe in the Bible. À moins que je ne crois pas en la Bible. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah, you should believe. One of the things can help you with childhood is believe. L'une des choses qui peut t'aider avec la superficialité, c'est de croire. Hallelujah. Amen. Believe. Croire. I believe. Je crois. I believe. Je crois. God has said it, so I believe it. Dieu l'a dit, donc je crois. I believe it. Je crois. There are a lot of things that you will not even understand. Il y a plusieurs choses que vous n'allez même pas comprendre. There are a lot of things you don't even understand. Il y a même des choses que vous ne comprenez pas. Hallelujah. Amen. You don't understand your intestine. You don't know how they work. Vous ne comprenez pas vos intestins. Why do you have to eat? Pourquoi est-ce que tu dois manger? What's the food doing? I mean, qu'est-ce que la nourriture there fait? There are a lot of things we don't understand. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. But we eat. Mais on mange. Do you know what's in the food that you ate today? Do you know what is inside? Est-ce que tu sais ce qui est dans la nourriture que tu as mangé aujourd'hui? Do you know? Est-ce que tu sais? But you ate it. Mais tu as mangé. Hallelujah. Amen. Yeah. Let the Bible be your final authority. Faites en sorte que la Bible soit votre autorité finale. Yeah. Final authority. Autorité finale. If it's not in the Bible, then I won't believe you. Si ce n'est pas dans la Bible, donc je ne crois pas en cela. Hallelujah. Amen. Yeah. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So be deep. Donc soyez. Hallelujah. Be deep. Soyez profond. Amen. Amen. Let your roots. Fais en sorte que tes racines go down. Soient profondes. Hallelujah. Go down. Sans racines. Of Christianity. Tes racines de chrétienté puissent Amen. Être profondes. Don't follow the world. Ne suis pas le monde. Don't follow the world. Ne suis pas le monde. Hallelujah. Amen. You know, the world makes us think that le monde fait des choses de telle sorte que We think that things are normal. Et nous pensons que les choses sont normales. But things are not normal. Mais elles ne sont pas normales. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So that's shallowness. Donc ça c'est la superficialité. The first cause of backsliding. La première cause de la rétrogradation. The second one. La deuxième. Emptiness. Emptiness. Être vide. Yeah, empty. Être vide. Hallelujah. Amen. First Corinthians chapter 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Verse 1. Verset 1. Okay. First Corinthians. 1 Corinthiens. Chapter 13. Verset 13. Chapitre 13. Verse 1. Verset 1. Hallelujah. Amen. The Bible says, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love, have not charity, I am become as sounding brass or tinkling cymbal. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un narin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Hallelujah. Amen. Yeah. What does that scripture say? If I have no love, if I don't have love, ce verset dit, si je n'ai pas l'amour, I'm like a sounding brass. Je suis comme un narin qui résonne. Hallelujah. Amen. And a sounding brass. Un narin qui résonne. A sounding brass, there's nothing inside. Un narin qui résonne, il n'y a rien à l'intérieur. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And they say, well, the second part is what? The second part is a tinkling cymbal. La deuxième partie, c'est une cymbale qui retentit. Hallelujah. Amen. Tinkling cymbal, there's nothing inside. That's why it makes noise. Il n'y a rien dans une cymbale qui retentit. Voilà pourquoi elle fait du bruit. Hallelujah. Amen. Do you know a cymbal? Est-ce que vous connaissez une cymbale? Yeah. Because there's hole inside. Parce qu'il y a un trou à l'intérieur. So when you do the sound, then you hear some sound. Donc quand vous tapez dessus, vous entendez un son. Hallelujah. Amen. But the verse tells that if you have no love, et le verset dit que si tu n'as pas l'amour, no charity, si tu n'as pas la charité, you are just making noise. Tu fais juste du bruit. There's nothing inside. Il n'y a rien en and toi. You just be making noise. Et tu fais juste du bruit. Hallelujah. Amen. So the second one is emptiness. Donc la deuxième chose c'est être vide. When you are empty. Quand tu es vide. Hallelujah. Amen. What is inside of you? Qu'est-ce qui est au dedans de toi? Hallelujah. Amen. Are you okay? Es-tu okay? Are you okay? Are you sure you don't look okay? Hallelujah. Amen. Yeah. What is inside of you? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Hallelujah. Amen. What are you filled with? De quoi es-tu rempli? Hallelujah. Amen. If you are empty, si tu es vide, something else will fill you. Quelque chose d'autre va te remplir. So you need to consciously allow certain things to fill you. Donc tu dois consciemment permettre à certaines choses de te remplir. Or fill yourself with something. Ou te remplir avec quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Emptiness is very dangerous. Être vide, c'est très dangereux. It's very dangerous. Très dangereux. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Emptiness is very, very dangerous. Être vide est spiritual très dangereux. Emptiness. Le vide spirituel. If you are empty, si tu es vide, the devil will fill you with something. Le diable va te remplir avec quelque chose. Hallelujah. Amen. Luke chapter 11. Luke chapitre 11. Luke 11. Luke 11. Okay. Luke chapter 11. Luke 11. Yep. Luke chapter 11. Yeah, it's a story about c'est une histoire sur somebody that was possessed with the devil, with une, demons. Une personne qui était possédée with demons. Avec des démons. Hallelujah. Mm. And it says cast out the demon. Et Jésus a chassé les we démons. Cast out the demons. Chassé les démons. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. Yeah, and verse 24. Et le verset 24. Luke chapter 11. Luke 11. You can't read all the story. On peut pas lire toute l'histoire. When the unclean spirit is gone out of a man, He walketh through dry places, seeking rest, and finding none. He said, I will return unto my house, whence I came. And when he cometh, and findeth it swept and garnished, then goeth he, and taketh unto him seven other spirits more wicked than himself. And they enter in, and dwell in, and the last state of that man is worse than the first. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend sept autres esprits impurs plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah, moi? This is what it is. C'est ce que c'est. Your life is empty. Si ta vie est vide. Of good things. De bonnes choses. We'll speak about the good things. Nous parlons des bonnes choses. Hallelujah. Amen. The devil will come and demons will come and fill you. Les démons vont venir te remplir. With tendencies to backslide. Avec des tendances à rétrograder. Hallelujah. Will fill you with bad things. Il va te remplir de mauvaises choses. And you are likely to backslide. Et tu es sur le point de rétrograder. Are you with me? Amen. Yeah, that's why when somebody is possessed with demons. Voilà pourquoi quand quelqu'un est possédé. And we cast out the demons. Et nous chassons les démons. That person needs to give him his life to Christ. Cette personne doit donner sa vie à Christ. And start to fill his life with things. Et commencer à remplir sa vie avec des choses. Or else. Ou alors. Those demons will come back. Ces démons vont revenir. And will bring other demons. Et vont emmener d'autres démons. More wicked. Plus méchants. And stronger. Et plus fort. And to come and stay in that person. Et venir rester dans cette personne. Person will be worse. Et la personne sera pire. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. One day we cast out demons. Some lady was possessed with demons. Un jour on a chassé les démons d'une fille qui était possédée. Hallelujah. Amen. Yeah. And then she was delivered. Et elle était délivrée. And I said, give your life to Christ. Et je lui ai dit, donne ta vie à Dieu. And come to church. Et viens à l'église. Come and stay with us. Viens rester avec come nous. Come and do what we do. Viens faire ce que nous faisons. Or else, ou alors, the demons will come back. Les démons vont revenir. Oh, she said, no, I'm this, I'm a Muslim. Elle a dit, oh non, je suis since ceci, je suis again, une musulmane. This, okay, no, so I'll et vu go, que je suis née, okay, I'll go and tell my father, this. Ok, j'irai dire à mon père, ceci, cela. And she went away. Elle est partie. Later, plus tard, we heard, on a entendu, manifestation of demons have come back. Les manifestations des démons sont even revenues. Even worse. Pire encore. Even worse. Young lady, beautiful. Pire, une jeune fille, très belle. Hallelujah. Amen. So this thing we talk about the Bible is not stories, oh. Donc ce dont on parle au sujet de la Bible, ce sont pas realities. Des histoires, c'est la réalité. Hallelujah. Amen. So you need to fill your life with the Word of God. Donc tu as besoin de remplir ta vie avec la Parole de Dieu. You need the Word. Tu as besoin de la Parole. In your life. Dans ta vie. Hallelujah. Amen. You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint Esprit. To fill you always. De te remplir à tout moment. Amen. Amen. Yeah. Yeah, you need it. And so when demons come, tu as besoin de ça. Donc quand les démons reviennent, they will not find a place. Ils ne vont pas trouver un endroit. Yeah. Demons, they are in the air. Les démons, ils sont dans l'air. Yeah, walking around. That's why the Bible says that the devil is like a lion looking. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable est comme un lion qui cherche. He's looking. Il cherche. So when he comes, your life is empty. Donc quand il vient, que ta vie est vide. He can occupy. Il peut occuper. And stay. Et rester. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah, that's why when you see baby Ghana. Voilà pourquoi on voit peut-être au Ghana. You can't see a lot of manifestation of demons. Tu peux avoir plusieurs beaucoup de manifestations des démons. Yeah, because there are churches all over the place. Parce qu'il y a des églises partout. And people are praying all the time. Et les gens prient tout le temps. Go to Europe now, you see. Va en Europe maintenant, tu verras. You see occult. Tu vas voir les sectes, les occultistes. You see how people behave. Tu vas voir comment les gens se comportent. People are walking naked. Les gens marchent nus. And they think that is normal. Et ils pensent que c'est normal. People are possessed. Les gens sont possédés. Yeah. People are possessed. We think that they are normal. Les gens sont possédés et on pense qu'ils sont normaux. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. People are possessed. Ils sont possédés. And so mode. On dit mode. Oh la mode. Mode fashion. La fashion. La mode. Demonic fashion. Une mode diabolique. Yeah. Demonic fashion. Une mode diabolique. Hallelujah. Are you with me? Yeah, so you need to fill your life with the word. Donc tu as besoin de remplir ta vie avec la parole. With the Holy Spirit. Tu as besoin de remplir ta vie avec le Saint-Esprit. Oh, you need to be praying in tongues. Tu dois prier en langue. The demon cannot have a place to come. Le démon ne peut pas avoir un endroit où venir. Hallelujah. But yeah. you didn't translate the tongues. Hallelujah. Amen. Yeah, you need to fill your life with spiritual things. Tu dois remplir ta vie avec des choses spirituelles. You need to fill your life with spiritual activities. Tu dois remplir ta vie avec des activités spirituelles. Yeah, sometimes they come and let's do rehearsal. Voilà pourquoi parfois on dit venez faire la répétition. Let's come to Basel. Allons-y à la cellule. Let's come and pray. Venons et prions. Let's come for all night. Venons pour faire la veillée. You think that we are disturbing you? Tu penses qu'on t'embête? Don't know that we are helping you so that your life is filled with spiritual things. Tu ne sais pas que nous sommes en train de t'aider afin que ta vie soit remplie de choses spirituelles. Oh, you want to sit down and watch TV. Tu veux t'asseoir et suivre la télé. Movie. Un film nigérien. Demons jumping. Ce sont des démons qui sautent. From the movies. Du film. Yeah. You understand? Est-ce que vous comprenez? What you're listening to. Ce que tu écoutes. What you watch. Ce que tu regardes. You know what I'm telling you? The doors of spiritual doors for demons. Que je vous dise les portes spirituelles des démons dans ta vie. Your eyes. Tes yeux. It's a door for demons. C'est une porte pour les démons. You look at. Ce que tu regardes. A demon can enter your eyes. Les démons peuvent rentrer dans tes yeux. And you see that all yeux. The time you want to go and watch pornography. Et tu vas voir qu'à tout moment tu vas aller regarder la pornographie. A demon has entered your eyes. Un démon est rentré dans tes so yeux. So you can't stop watching pornography. Donc tu peux pas arrêter de suivre la pornographie. Because it's not normal. Parce que tu n'es pas normal. If you are normal and see pornography, you close your eyes. Si tu es normal et que tu vois la pornographie, tu vas fermer tes yeux. Yeah. If you are normal. Si tu es normal. If you want to watch, you see the thing that you are watching. Si tu vois la chose et you tu regardes. The TV to your eyes like this. Tu es en train d'attirer les démons dans tes yeux demons, comme ça. Les démons. Demons are manifesting. Les démons sont en train de se manifester. Yeah. People don't know. Les gens ne savent pas. They don't know. Ils ne savaient pas. Your eyes, your mouth. Tes yeux, ta bouche. What are you putting in your mouth? Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Yeah. What are you putting in your mouth? Qu'est-ce que tu mets dans ta Frogs bouche? Frogs are coming out of people's mouth. Les crapauds sortent de la bouche de certaines personnes. Yeah. And you're going to kiss the person. Et tu vas embrasser la personne. It's a door. C'est une porte. It's a door. C'est une porte. You see that? Oh, all the time you want somebody to come and kiss you. Tu vas voir qu'à tout moment tu veux que quelqu'un vienne t'embrasser. N'importe qui. Anybody. N'importe qui. That demons have entered your mouth. Tu as vu qu'un démon est rentré dans ta bouche. Yeah. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Openings, spiritual openings for demons. Les entrées spirituelles pour les démons. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Demons, sex. Les démons, le sexe. Sex. Le sexe. Your organ. Tes organes. Tes organes génitaux. Door. It's a door for demons. C'est une porte pour les démons. Yeah. C'est door. C'est une porte. You go and do it once. Je vais aller le faire une fois. Then it's finished. Et c'est fini. Your whole life is sport. Toute ta vie est finie. Your whole life. Toute ta vie. Yeah. That's why now you see that even your sexual organ cry is not enough. Et là tu vas voir que so même now you're back. Ta vie sexuelle n'est pas suffisante. People's back. Donc maintenant le derrière. Yeah. Because you've used your sexual organ, it's not even enough. So, parce que tu as utilisé tes organes sexuels et ce n'est pas suffisant. People, you don't know. Vous ne savez pas. Demons. Ce sont des démons. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So fill your life with spiritual things. Donc remplis ta vie avec des choses spirituelles. Love with love. Avec l'amour. Hallelujah. Amen. Let your life be filled with love. Que ta vie soit remplie d'amour. Not hatred. Pas la haine. Not envy. Pas l'envie. Hallelujah. Amen. Because the demons will take advantage. Parce que les démons vont prendre avantage. Open a door, tu vas ouvrir une porte. And a demon will come and enter. Et un démon va venir entrer. And you see that your life, et tu vas voir que ta vie. Yeah. Where are the people? They are not coming to church. Où sont les gens? Ils ne viennent pas à l'église. They must come to church. Ils doivent venir à l'église. Hallelujah. Amen. They must come to church. Now we allow them not to come to church. Ils doivent venir à l'église. Allow them not to come to church. Where are they? Ne permettez pas de ne pas rester chez eux. Hallelujah. We are trying to help you. You know, you think nous that de vous aider. Vous pensez que vous venez we are trying nous. To help you. Tomorrow you come and call us. Oh, pastor, this thing. I have a dream. This, then, this. On essaie de vous aider. Demain, vous allez appeler pasteur ceci, j'ai un rêve. Mais tu ne viens pas à l'église et un démon a possédé ta pensée. Now you are calling us. Maintenant, tu nous appelles. To be in church, you are in, you're not in church. Le moment où tu devais être à l'église, tu n'es pas à l'église. Be careful. Do you know something? Be careful. Fais très attention. The time that you should be in church. Le temps où tu dois être à l'église. Don't stay at home. Ne sois pas à la maison. A demon will occupy you. Un démon va t'occuper. The demon will give you. The demons will come. Un démon va venir. Yeah. Unless you are in school or you are doing something. À moins que tu sois à l'école ou que tu fais quelque chose. You should be in church. Mais si tu ne fais rien, tu dois être à l'église. Because it's an appointment that you have with God. Parce que c'est un rendez-vous que tu as avec with the Holy Spirit. C'est un rendez-vous que tu as avec le Saint-Esprit. So you shouldn't stay at home. Donc tu ne dois pas rester à la maison. Viens à l'église. Come to church. Viens à l'église. Because when you stay at home. Parce que quand tu restes à la maison. Careful. Fais attention. Your neighbor, careful, careful. Dis à ton voisin, fais attention. Careful. Fais attention. Careful. Fais attention. Careful. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So empty. Don't be empty. Donc être vide. Know the word. Connais la parole. Read the word. Lis la parole. Always listen à tout to tapes. Écoute des prédications. Hallelujah. Amen. Listen to people. Don't buy. The people come and buy. Les gens achètent parce que les gens viennent acheter. The messages. Viennent prendre les messages. You don't take the message. Vous ne prenez pas les messages. Free. It's even free. Not buy. It's free. C'est gratuit. But you don't listen. Mais vous n'écoutez pas. Hallelujah. Mais. You need to be listening always. Et écoutez la parole à tout moment. Yeah. Because when you leave here, parce que quand tu quittes ici, it's only 11% of all that I've said. C'est juste 11% de tout ce que j'ai dit. That you can remember. Dont tu vas te souvenir. Yeah. 11%. 11%. 89% is vanished. 89% disparu. So, oh yeah, I was blessed today with the word. I was blessed. It was powerful. 11%. Tu vas dire, oh, j'étais béni aujourd'hui avec la parole. J'étais très béni. Mais juste 11% of your life is blessed. Only seulement 11% de ta vie est béni. Yeah, it's only 11% of your life that is blessed. Rien que 11% de ta vie qui est béni. Yeah. So you need to listen again. Donc tu dois écouter encore. Add another 11, listen again. Et tu ajoutes encore un autre 11% again, en écoutant. Listen again. Tu écoutes the encore same thing. La même chose. And you see that one day is like, wow. Et un jour, je vais voir que c'est wow. Yeah. You have the full blessing of the word. Tu as toute la bénédiction de la parole. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So all of your telephone, if you can do WhatsApp. Donc vous tous au téléphone. You need to have a message that you listen. Si vous pouvez avoir WhatsApp, vous devez avoir un message que vous écoutez. You're listening. You're listening to a message. Vous écoutez un message. Yeah. Listen to it. Vous écoutez un message. See that a Holy Spirit will enter you. Tu vas voir qu'un esprit va entrer en toi. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation va entrer en toi. Yeah. Instead of evil spirit. Au lieu des mauvais esprits. Yeah. Why is it that when you listen to a bad news, then you are afraid? Pourquoi c'est quand tu écoutes une mauvaise nouvelle, tu as peur? Because the spirit. Bad news. Parce que c'est un esprit. La mauvaise nouvelle, c'est un esprit. Hallelujah. When you hear a good news, then you are happy. Happiness. Quand tu écoutes une bonne nouvelle, tu es content. It's also a spirit. C'est aussi un esprit. Spirit of happiness. L'esprit de joie. Spirit of joy. Esprit de joie. Yeah. So be careful what you listen to. Donc fais attention à ce que and tu Bible écoutes. And the Bible says what? Et la Bible dit quoi? Romans chapter 10 verse 17. Romains 10, 17. Romans. Romains. 10, 17. 10, 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, your faith is very small. Maybe you don't even have faith. Ta foi est très petite. Peut-être même que tu n'as pas la foi. Hallelujah. What I'm talking about today. Ce dont je parle aujourd'hui. Maybe you don't even have faith. Peut-être tu n'as même pas la foi. You don't believe what I'm saying. Tu ne crois pas ce que but je as dis. You listen to it, mais alors que tu écoutes. As you listen to it, alors que tu écoutes. You begin to believe, tu commences à croire. Your faith will begin to increase. Ta foi commence à faith grandir. Come. La foi va venir. Faith will come. You believe that la foi va venir. Has to be filled. Et tu vas croire que ma vie doit être remplie avec la parole de Dieu. Ma vie doit être remplie avec la parole de Dieu. Change. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Hallelujah. Amen. Yeah. Amen. Abelimpe Church. L'église d'Abelimpe. Let's listen to messages. Écoutons les messages. Listen to music. Be careful the music that you listen to. Écoutez la musique. Faites attention au genre de musique que vous écoutez. See that you listen to the music. Oh, I'm holding you this day. Sexual healing. Demon of sex. Tu vas dire, oh, je t'attrape, je veux une guérison sexuelle. Et tu vas voir qu'un démon de sexe va entrer dans ta vie. Hallelujah. Yeah. So don't listen to those music. Donc n'écoute pas ces musiques. Listen to the word of God. Écoute la listen parole de Dieu. Listen to the message. Écoute les messages. If there's any song you are listening to, Christian music. S'il faut que tu écoutes un son de musique chrétienne, remplis ta vie avec la Hallelujah. Musique chrétienne. Amen. Amen. There are good spirit inside. Il y a des bons esprits à l'intérieur. Yeah. Spirit of God. L'esprit de Dieu. Come into your life. Va entrer en toi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. So be careful the music. Donc fais attention à la musique. Yeah. Careful. Fais attention. All of you should go into on the internet. Vous tous, vous devez aller sur who internet. Knows, who doesn't know internet? Qui ne connaît pas l'internet? Everybody knows internet. Tout le monde connaît l'internet. Go Doug Hewitt podcast. Faut aller sur Doug Hewitt podcast. Who doesn't know podcast? Qui ne connaît pas podcast? Who doesn't know podcast? Qui ne connaît pas podcast? Everybody knows. Tout le monde Go connaît. Go there and get the podcast. Va là-bas et prends le podcast et écoute. Listen to it. Écoute cela. Listen to it. Écoute They cela. Will change your life completely. Ils vont changer ta vie complètement. Yeah. You will not be the same. Tu ne seras pas la même personne. But the Spirit of God will enter your life. Parce que l'Esprit de Dieu va entrer dans ta vie. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. When you go to the Kodesh, young, quand young tu vas people, à Kodesh, des jeunes gens, small boys and girls, des petits garçons et filles, ils écoutent cela. Yeah. And so they are behaving properly. Donc ils se comportent they are growing correctement. Well. Ils grandissent they are bien. Growing well. Ils grandissent bien. Hallelujah. They are growing with the right mind. Ils grandissent avec la bonne pensée. Yeah. Some of us we didn't grow up. We were not born. Nous on n'a pas grandi. We're not born. On n'était pas nés. By the time we realize, our life. Mais le temps d'ici qu'on s'en rend compte, quelque chose s'est passé dans nos vies. Hallelujah. Amen. But it's not too late. Mais c'est pas trop tard. This is the time. Voici le moment. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Do you like the message? Est-ce que vous aimez le message? Are you sure? Êtes-vous sûr? Yeah. Yeah. So fill your life with the Word of God, with faith, with good Christian music. Hallelujah. Donc, remplis ta vie avec la parole with the de Holy Dieu, Spirit. La foi, la musique chrétienne. You should be praying always. If you are not talking, you should be praying in the tongues. Si tu n'es pas en train de parler, tu dois être en train de prier en langue. Pray in tongues. Prier en langue. Because as you are praying in tongues, you are edifying yourself. La Bible dit qu'alors que tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Yeah. Edify yourself. Tu t'édifies toi-même. Amen. Amen. And you always be in the presence of the Holy Spirit. Tu seras toujours dans la présence du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Acts chapter 6 verse 5. Acts chapitre 6 verset 5. Acts chapter 6. Acte 6. Hallelujah. Amen. And the same pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioch. Hallelujah. Have you seen these names? You can give them to your Est-ce que vous avez vu ces noms? Vous pouvez les donner à vos enfants. Hein? Amen. Parmenas, Timon. Parmenas, Timon. Nicanor. Wow, hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, but they said a man, Stephen, a man full of faith and full of the Holy Spirit. Mais on a dit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Hallelujah. Amen. You'll be chosen because you are full of the of faith. Vous serez choisi parce que vous êtes rempli de foi. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Full of the Holy Spirit. Et rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Amen. Do you like it? Est-ce que vous aimez cela? So emptiness. Don't be empty. Donc ne sois pas vide. Don't be empty. Ne sois pas vide. Hallelujah. Amen. Are you there? Êtes-vous ici? Yeah. And know the word. Et connais la parole. Know John 3:16. Connais Jean 3:16. John 3:17. Jean 3:17. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Know John 3:6. Connais Jean 3:6. You know what John 3:6 says? Est-ce que vous savez ce que Jean 3:6 dit? Hein? Hein? Do you know John 3:1? Est-ce que vous connaissez Jean 3:1? What John 3:1 talks about? John 3, chapter 3. Ce dont parle Jean 3. Ah, Jean chapitre 3. Nicodème. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? No basic. Connais les Les versets basic de base. Way, basic. Les versets basic. De base. Basic. À base. Amen. Amen. Basic. Basic. De base. Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapter 6. Chapitre 6. Ephesians chapter 4. Ephésiens chapitre 4. De quoi parle-t-il? Ephesians chapter 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 8. What is there? Read Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. What is there? Ephesians chapter 2 verse 8. Ephésiens chapitre 2 verset 8 dit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hallelujah. Amen. Did you know that is there? Did you know? Est-ce que vous savez que c'était ici? Ephesians chapter 2 verse 8. Ephésiens chapitre 2 verset 8. By grace you are saved. Par la grâce vous êtes sauvés. Not of yourself. Pas par vous-même. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. I'm saved by grace. Je suis sauvé par by la the grâce. Grace of God. Par la grâce de Dieu. Hallelujah. Amen. It's by grace. Par la grâce. Not what I'm doing. What pas I'm ce que doing. Je fais. No, it's by grace. Non, c'est par la grâce. Amen. Amen. Romans. Do you know Romans? Romains. Est-ce que vous connaissez Romains? You know basic scriptures. Les versets de base. There. John. Basic scriptures. Qui sont là-bas dans Jean. One, John 1:12. Jean 1:12. I'm accepted. Je suis accepté. Read John 1:12. John 1:12. When nobody doesn't like you, John 1:12 can Jean, encourage you. Quand personne ne t'aime, Jean 1:12 peut t'aider. Qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Hallelujah. Amen. Yeah. You read it, your quiet time, you see that you are blessed. Tu lis cela dans ton temps de méditation. Tu vois que tu es béni, tu es encouragé. Parce que Dieu t'accepte. No matter who you are, quel que soit qui tu es, accepted. Tu es accepté. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yes. Yeah. Then you go to Old Testament. Et tu vas dans l'Ancien Testament. Proverbe. Proverbe. Proverbe. There's a lot of wisdom there. Il y a plusieurs sagesses là-bas. Tu apprends. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? You should know some basic scriptures. Vous devez connaître certains versets de base. So that you are filled with the word of God. Afin que tu sois rempli de la parole de Dieu. Amen. Amen. Are you with me? Yes. So that you don't backslide. Afin que tu ne rétrogrades pas. Emptiness. Être vide. Emptiness. Être vide. See, if you don't have the word. Tu vois, si tu n'as pas la parole. The devil will give you lies. Le diable va te donner des mensonges. Yeah, lies. Des mensonges. You are not good. Tu n'es pas bon. You are sinful. Tu es pécheur. See, you are a sinner. Tu vois que What tu es are you doing pécheur. Here? Qu'est-ce que tu fais Go ici? Home. Va no, à la maison. Come back. Ne reviens pas. Yeah, the devil will tell you. Filled with the word, the lies. Le diable va te remplir avec des mensonges. Yeah, the lies. Les mensonges. That you are not good. Que tu n'es pas you bien. You can't sing. Que tu ne peux pas chanter. Who said you can't sing? Qui a dit que tu ne peux Is pas chanter? Is that what the Bible says? Qu'est-ce que la Bible dit? Have you seen it? Est-ce yeah. You just like, oh, me, I'm poor. I don't have money. I can't go. You see, you don't have money. You can't go. Stay at home. Tu vas venir à l'église. And you see that those who come to church, they have a lot of money. Et quand tu seras là à l'église, tu vas dire, oh, je n'ai pas l'argent, je n'aime pas venir. Le diable va te dire, va te parler, il va te dire, reste à la maison, va te parler. Au lieu de la parole de Dieu, tu écoutes le diable. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Wow. Last week, my son came to my son or my daughter. La semaine passée, mon fils ou ma fille. One of them came from school. L'un d'eux est revenu de l'école. He says their friend told her. Et elle a dit, son ami lui a dit. That she can't. There was something that she can't do. Il y avait quelque chose qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire. And I said, Ephesians chapter, Philippians chapter 3 verse chapter, chapter 4 verse 13. Et j'ai dit. Chapter 4 verse 13. Philippiens chapitre. Philippiens chapitre 4 that verset 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Je puis tout par celui qui me fortifie. When I said, then she remembered, Ephesians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Do you see that? You see that God saying that you can do all things. Quand je lui ai dit, elle s'est rappelée, elle a dit, ah oui, Ephésiens chapitre 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, yeah. Elle s'est rappelée, oui. I can do all things through Christ. So through je God, peux faire you can tout. Do all things. Donc à travers so Dieu, tu peux faire toutes choses. You that you can't do it. Donc ton ami ne peut pas te dire que tu ne peux pas faire cela. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, your friend cannot tell you. Ton ami ne peut pas the te devil dire cannot cela. Tell you. Le diable ne peut pas te dire cela. And so when she came, like she came, oh, my friend said I can't do. My friend said Donc elle est venue, oh, mon ami so a dit que je ne peux so pas, je ne peux pas faire there, cela. Like I can't do. Donc cette chose sera là, comme that'll je ne peux there, pas I faire. Do. Je ne peux pas faire. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? But you can do. The Bible says you can do. Mais alors que tu peux faire, la Bible dit tu peux le faire. If you don't have the word, donc si tu n'as pas la parole, the devil will deceive you. Vous allez voir que le diable va te tromper. That I can't marry. Que je ne peux pas me Look marier. At me, I'm not beautiful. Regardez-moi, je ne suis pas belle. Who said you cannot be beautiful? Qui a dit que tu ne peux pas être belle? Hallelujah. Go and read Ecclesiastes. Va lire Ecclésiaste. You can see that you are black and comely. Tu vas voir que tu es noire et belle. Et belle. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, but who said you are not beautiful? Mais qui a dit que tu n'es pas belle? La Bible n'a pas dit cela. So why do you believe it? Donc pourquoi crois-tu en ça? Are you with me? Oui. Yeah. I remember when my son started to draw. Je me souviens quand mon fils a commencé à dessiner. One day he came home. Un jour, il est venu à la maison. They're supposed to draw something. Il était censé dessiner quelque chose. I said, oh, draw it. J'ai dit, oh, dessine. And he started crying. Il a commencé à pleurer. I was shocked. J'étais choqué. I said, ah, why are you crying? J'ai dit, oh, pourquoi pleures-tu? I can't draw. And then when we go to class, I can't draw. And my friends will be laughing at me. Il a dit, oh, je ne peux pas dessiner. Quand je me vais à l'école, je ne peux pas dessiner. Okay, mes amis se moquent de moi. J'ai dit, c'est pas vrai, je vais te montrer. So we started doing. Okay, do it like this. Donc on a commencé. When j'ai dit, fais ça comme si. Donc quand je fais, tu fais. Then at the end, like, he started laughing. He was happy. Et à la fin, il a commencé à rire, il était content. And let me tell you, today. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui. I remember sometimes you came to tell me that, oh, they gave me a gift. Je me souviens, quelqu'un devait me dire, on m'a donné un cadeau. He came to them, oh, they gave me a gift because I was my drawing was the best. On m'a donné un cadeau parce que mon dessin était le meilleur. And I was like, you haven't seen. Donc j'étais, said, oh, yes. As-tu vu? Il a dit oui. You see, we allow because donc, there's nothing there. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc nous permettons to tell us that we cannot. Le diable de nous dire que nous ne pouvons pas faire ce qu'on peut faire. Hallelujah. I always tell people that people are in difficulty. Je dis toujours aux gens qui sont en difficulté. It's temporary. Je leur dis toujours que c'est temporaire. Temporaire. Hallelujah. Temporary, because the Bible says that our temporal afflictions. C'est temporaire parce que la Bible dit que nos afflictions temporaires. Hallelujah. Nos afflictions sont temporaires. Ne peuvent pas être comparées to the eternal glory. À la gloire éternelle. Hallelujah. Amen. So if you don't know this, donc si tu ne connais you pas cela, think that, oh, this is my situation, I'll die with it. Tu vas penser que oh, cette situation, je vais mourir avec. But it's not true. Mais c'est pas vrai. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec so moi? Fill your life with. Donc remplis ta vie avec. Remplis ta vie avec la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. And the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit. And you will not backslide. Et tu ne vas pas rétrograder. Amen. Amen. You will not backslide. Tu ne vas pas rétrograder. You know, as I was talking about deep roots. Vous savez quand je parlais des racines profondes, la superficialité. Yeah. We'll have situations. Tu vas avoir des situations. We'll have difficult situations. Tu vas avoir des situations difficiles. Financial. Yeah. Financière. You see that it's hard. Tu vas voir que c'est dur. It's like you're going to die tomorrow. C'est comme si tu vas mourir demain. Yeah. It will come. Ça va arriver. But if you are not filled. Mais si tu n'es pas rempli and you are not deep, et tu n'es pas profond, you will leave God. Tu vas laisser Dieu. Yeah. Me have seen people, difficult situations. Moi, j'ai vu des gens dans des situations difficiles. Me cry, I can't help them. Je ne peux pas les aider. I couldn't help them. Je ne peux pas les aider. Je ne pouvais pas les aider. Temporary. Mais j'ai dit, c'est temporaire. Yeah. But one day, mais un jour, everything changes. Tu vas voir que tout change. And their life changed completely. Et leur vie a changé complètement. Understand? Because the word of God, the word of God, the Bible says that afflictions are temporal. Parce que la parole de Dieu dit que les afflictions sont temporaires. Oppressions are temporal. Les oppressions sont temporaires. Are temporal. Les difficultés sont temporaires. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So in a difficult situation now. Ceux qui sont dans une situation compliquée maintenant. You know that it's limited. Vous devez savoir que c'est limité. It's time limited. C'est limité par le temps. Hallelujah. Amen. It will pass. Ça va passer. And see that everything will change. Vous allez voir que tout va changer. And you'll be happy. Et tu seras content. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Can I stop? Puis-je arrêter? Hallelujah. Amen. The third cause of backsliding. La troisième cause de la rétrogradation. Is lust. C'est la convoitise. Lust. La convoitise. 2 Timothée 4:10. 2 Timothée 4:10. 2 Timothée. 2 Timothée 4:10. 4:10. Hallelujah. Amen. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is departed into Thessalonica. Christians to Galatia. Titus unto Dalmatia. Car Demas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Hallelujah. Amen. For Demas has forsaken. Car Demas m'a abandonné. Having loved this present ayant world. Aimé ce siècle présent. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The love for the world. L'amour du monde. Hallelujah. Amen. What do you love? Qu'est-ce que tu aimes? What do you love? Qu'est-ce que tu aimes? Do you love money? Aimes-tu l'argent? If you love money, you can forsake God. Si tu aimes l'argent, tu peux abandonner you will leave Dieu. Church. Tu vas quitter l'église. Because the church there is not a bank. Parce que l'église n'est pas une banque. So you leave. Donc tu vas quitter. Hallelujah. Amen. Do you love women? Aimes-tu les femmes? Hallelujah. You will not get women here who will sleep with you. Tu vas pas trouver des filles ici qui vont coucher avec toi. Si tu aimes les filles. They are Christian women. Ce sont des filles chrétiennes. Hallelujah. Amen. So you leave the world, they have a lot of them. Donc tu vas quitter parce que le monde il y en a plusieurs. Donc tu vas quitter. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yes. Yeah. So don't love the world. Donc n'aime pas le don't monde. Don't love fashion. N'aime pas la mode. Because here we won't encourage you to be fashionable. Parce qu'ici on va pas t'encourager à suivre la mode. Hallelujah. Amen. And you will be tempted to leave. Et tu seras tenté à quitter. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Lust is dangerous. La convoitise est dangereuse. Amen. Amen. If you love something so much, like you have a strong desire for something. Si tu as un fort désir pour quelque chose. Lust is a strong desire that you can't control. La convoitise c'est un désir fort que tu ne peux pas contrôler. Yeah. So if you have a desire, a strong desire for something. Donc si tu as un désir fort pour quelque chose. Be careful. Fais attention. Because you can easily backslide. Parce que tu peux facilement rétrograder. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So be careful. Be careful. Donc fais attention. That's why you see ladies who go after men. Voilà pourquoi vous allez voir les filles courir après des they hommes. They will forget all principles of the Bible. Elles vont oublier tous les principes de la Bible. And they will go and sleep with their man. Et elles vont aller coucher avec cet yeah, homme. Yeah, that's the last. Ça c'est la convoitise. Ou bien, oh, sorry, forgive. Oh, forgive. Hallelujah. Or a young man. Ou un jeune homme. Chasing after ladies. Qui court après les femmes. Un désir fort. Strong sexual desire. Un désir sexuel très fort. Yeah, as a lust. C'est la convoitise. Yeah. You know, sometimes, yeah, as a young man. Vous savez, parfois en tant qu'un jeune homme. You can easily be confused. Tu peux facilement être confus. Or you can easily follow lust. Tu peux facilement suivre la convoitise. To think that you love a lady. Penser que tu aimes une fille. Yeah, it's true. C'est vrai. Yeah. You can easily follow a lady. You think that you love the person. Tu peux facilement suivre une fille et tu vas penser que tu aimes la fille. It's lust. Mais c'est la convoitise. It's lust. C'est la convoitise. Yeah. So you need to be careful. Donc tu dois faire when attention. Say, oh, I'm in love. Quand tu dis oh, je suis amoureux. It can be lust. Ça peut être la convoitise. Yeah. That's why you see in the world. Là, quand vous voyez dans le monde. See that they get married. Vous voyez qu'ils se marient. Then 1 week they divorce. Et après une semaine ils divorcent. Yeah, because the last is sex. Parce que la convoitise c'est le sexe. Donc après le sexe c'est fini. It vanishes. C'est fini. It will go away. Ça va s'en aller. You see the thing? Est-ce que vous voyez? Yeah. After the sex it's finished. Après le sexe c'est fini. You don't need a person anymore. Tu n'as plus besoin de la personne. Last is vanished. La convoitise est partie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Mm-hmm. Yeah. Okay. Last, the prodigal son. La convoitise, le fils prodige. He loved the world. Il a aimé le monde. That's why he left the house. Voilà pourquoi il a quitté la maison. He said, Father, give me. Il a dit, Père, donne-moi. The part of the inheritance that belongs to me. Ma part d'héritage. And he left. Et il a quitté. Hallelujah. Amen. Last, be careful. La convoitise, fais attention. Be careful. Fais attention. And you know when you are a Christian. Et tu sais quand tu es chrétien. Sometimes, you know, that's why I say that curiosity kills a cat. Parfois, voilà pourquoi je dis que la curiosité tue un chat. Is it the same thing in French? Do you have it in French? That people, they say that, oh, curiosity kills a cat. Et on dit que la curiosité tue un chat. Is it in French? Qu'est-ce qu'on dit en français? It's not in French. It's for English. Yeah, c'est en anglais. Oh, okay, seulement. Okay. In English, they say curiosity kills a cat. En anglais, on dit la curiosité tue un chat. If you are too curious, you'll be killed. Ça veut dire que si tu es trop curieux, tu vas être tué. You'll be looking, and then you realize that you get to a place where you'll be killed. Tu seras en train de regarder, chercher, et tu vas arriver à un endroit où on va te tuer. As a Christian, sometimes I want to be curious. Et en tant que chrétien, parfois on veut être curieux. Hallelujah. We are thinking about, oh, maybe the world, they are enjoying themselves. Tu vas te dire, oh, peut-être que dans le monde, ils s'amusent. They are enjoying themselves. They are doing all sorts of things. So I'm also going to try some. Ils s'amusent, ils font toutes sortes de choses. Donc moi aussi, je vais aller essayer. By the time you realize, you are gone. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es you parti. You are drawn into the ocean. Tu as été tiré loin dans la mer. Hallelujah. Amen. Yeah. So don't think that it's better there. Ne pense pas que c'est mieux là-bas. You understand? Est-ce que tu comprends? Yeah. Last to tell you that, oh, it's better. La conversation va te dire que c'est meilleur, c'est plus beau. So I'm going. Donc je m'en vais. Oh, let me go and try. Oh, laissez-moi aller essayer. Quand je termine, je reviens. C'est pas vrai. It's not true. C'est pas vrai. That curiosity can kill you. Cette curiosité peut te tuer. Spiritually. Spirituellement. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce avec moi? They are not better than us. Oh. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Those who are in the world, they are not better. So don't go. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc n'y va pas. Like Demas. Comme Demas. Demas, he went. I see, he's running. He's going round. Demas, ouais, il a tourné. Hein? He went to where? Il allait où? He went to Thessalonica. Il allait en Thessalonique. Crescent. Galatia. Galatie. Titus. Tite. Dalmatia. And you see that you will continue. Et tu vas voir que it's not better. That's c'est why pas meilleur. If it's better, he would have stayed at Thessalonica. C'était meilleur, il serait resté en Thessalonique. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So don't be. It's not better there. C'est pas meilleur là. The world is not better. Le monde n'est pas meilleur. In the world. Dans le monde. Yeah, it's not better. C'est pas meilleur. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So don't leave. Donc ne quitte pas. And go into the world. Et t'en aller dans le monde. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Some of you are thinking about the world, though. Certains d'entre vous pensez au monde. Tu pensais y aller, essayer. And try what they are doing. Essayer ce qu'ils That's font. Why sometimes you come to church, then you are going to disco. Voilà pourquoi parfois tu viens à l'église, mais tu t'en vas en boîte de nuit. You see, you go on, you see that. Mm. Tu vas faire, hein, tu vas voir que. I'm not. It's not good. Tu vas voir que. Then you come bon. Back. Et tu vas revenir. Sometimes you won't come back. Parfois tu ne vas pas revenir. A lot of people go and they don't come back. Beaucoup de personnes y vont et ne reviennent pas. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Bitterness. L'amertume. The next one. Bitterness. Le prochain c'est l'amertume. Hebrews chapter 12. Hébreux chapitre 12. Verse 15. Verset 15. Bitterness. L'amertume. It's dangerous. C'est dangereux. It's dangerous. C'est dangereux. Looking diligently, lest any man fall of the grace of God. Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Hebrews chapter 12, verse 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hebrews 12, 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Bitterness will let you leave. L'amertume va te pousser à quitter. Hallelujah. Amen. And bitterness comes when you are offended. Et l'amertume vient quand tu es offensé. And you don't overcome the offenses. Et tu ne surmontes pas l'offense. You'll be bitter. Tu peux être amer. You'll not be happy. Tu ne seras pas content. You'll be hurting inside. Tu seras blessé à l'intérieur. Yeah. Like I've hurt you. Comme je t'ai offensé. And I offended you. Je t'ai offensé. Then you don't forgive me. Et tu ne me pardonnes pas. And every day you come. Et tous les jours tu viens. Et tu me vois. You'll be angry. Tu seras en colère. It'll be paining you. Et ça va te faire mal. Say, look at him. Tu vas dire, regardez-le. He's preaching again. Il est encore en train de prêcher. Regardez son visage. That is to be paining you inside. Et ça va te faire mal à l'intérieur. Ladies, be careful. Les filles, faites attention. Yeah. Ladies, be careful. Les filles, faites attention. Because your heart is like this, gold like this. Wow. Parce que ton cœur est comme ça. So when you're offended, donc, quand tu it's offensé, difficult to. C'est difficile de. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Est-ce avec moi? Yeah. That's why you need to forgive quickly. Voilà pourquoi tu dois pardonner rapidement. Leave the issue. Laisse le problème. Not necessary. C'est pas nécessaire. Hallelujah. Amen. Or else you develop bitterness. Ou alors tu vas développer l'amertume. Tu seras amer. Bitter. Amer. You will never be happy when tu ne seras jamais content quand tu es amer. When you see the person who offended you, oh, quand tu vois la personne qui t'a offensé, oh, to be paining you, ça va te faire mal. And you see that the person will be dancing. Et tu vas voir que la personne sera en train de danser. The more the person is dancing, the more you are. Plus la personne danse, plus tu es énervé. And the person will be looking at you. Et la personne sera en train de te regarder. And you said, don't look at me. Et tu as dit, ne me regarde pas. We'll be waving the hand. Tu es en train d'agiter la main. Towards you, we'll be looking at you. Vers toi, et tu es en train de regarder. Oh, Charlie. It's not easy. C'est pas facile. You see that thing? Vous voyez la chose. You are suffering. Vous souffrez. Yeah, you will suffer. Toi, tu vas souffrir. When you are bitter. Quand tu es amer. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Yeah. That's why the Bible says that when you are when you are offended, you are the one who is supposed to forgive. Voilà pourquoi la Bible dit que quand tu es offensé, c'est toi qui es censé pardonner. Yeah. Forgive the person. Pardonne la personne. So that you are free. Afin que tu sois libre. Hallelujah. Amen. When you are offended, you are the one in prison. Quand tu es offensé, c'est toi qui es en prison. You are the one in trouble. C'est toi qui es en danger. Hallelujah. Forgiveness is one of the greatest healing. Le pardon, c'est l'une des plus grandes guérisons. Yeah, healing. Guérison. When you forgive, you are healed. Quand tu pardonnes, tu es guéri. Yeah, you are healed. Tu es guéri. Spiritually and physically. Spirituellement et physiquement. Hallelujah. Are you with me? Yeah. And Bishop talks about a doctor. Et l'évêque parle d'un docteur. Who had diabetes? Qui avait le diabète. Hallelujah. Amen. And one day hit his toe. Et un jour il a cogné son pied. To something. À quelque chose. And there was a wound. Et il y avait une blessure. Hallelujah. Amen. And the wound was taking long to be healed. Et la blessure mettait du temps à guérir. At a point they wanted to cut his leg. À un moment on voulait couper son pied. Hallelujah. Amen. But they thought that no, let's cut the toe. On a dit non, coupons le pouce. L'orteil. Yeah, and they cut the toe. Et ils ont coupé l'orteil. Hallelujah. Amen. And he's saying that that's how bitterness is. Il a dit que c'est comme ça qu'est l'amertume. Bitterness is not easily healed. L'amertume n'est pas facilement guérie. Hallelujah. Amen. Yeah, and when you are bitter, you are cut off. Et quand tu es amer, tu es retiré. Just like the toe. Juste comme l'orteil. You'll be cut off from everybody. Tu seras retiré you'll de tout le monde. Isolated. Tu seras isolé. Yeah, and you see that you are not blessed. Et tu verras que tu n'es pas béni. So be careful when you are bitter. Donc fais attention you quand tu es amer. You should not be bitter. Tu ne dois pas être amer. If you are listening to this message, you should not be bitter. Si tu écoutes ce message, tu ne dois pas être amer. Yeah, you should not. Tu ne devrais pas. Yeah, God is healing you today. Dieu te guérit aujourd'hui. If you have a heart that keeps. Si tu as un cœur qui garde. Keeping. Si tu as un cœur qui today garde. God is releasing your heart. Aujourd'hui Dieu libère yeah, ton cœur. You are healed and delivered. Tu es libéré et from guéri bitterness. De l'amertume. But the Bible says don't let any root of bitterness. La Bible dit que ne laissez pas une seule racine d'amertume. Come out of your heart. Venir dans ton cœur. Hallelujah. Are you with me? Amen. Yeah. So don't be bitter. Donc ne sois pas amer. Don't be bitter. Ne sois pas amer. Amen. Amen. Forgive. Pardonne. Yeah. That's why I have forgive in church. La Bible dit pardonne à l'église. Have mercy. Miséricorde. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Wow. Are you with me? Êtes-vous avec moi? The next one, sinfulness. I want to le end suivant, with this one. Une nature pécheresse. Yeah, sinfulness. Sinful. Une nature pécheresse. When you are sinful. Quand tu es pécheur. Hallelujah. When you are sinful. Quand tu es pécheur. You will backslide. Tu vas rétrograder. Yeah. When you are sinful. Quand tu es pécheur. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. You will backslide. Tu vas rétrograder. Easily. Facilement. Because when you come, parce que quand tu viens, you see that the word of God will speak about your, tu vas voir que la parole de Dieu va parler de ta situation, about that sin, à propos de ce péché. You see that you are not feeling comfortable. Et tu vas te rendre compte que tu n'es pas confortable. They say that, ah, this pastor, tu vas dire, ah, ce today pasteur, I'm not blessed at all. Aujourd'hui, je ne suis pas béni du tout. I'm not blessed at all. Je ne suis pas béni de tout. The message was not powerful. Le message n'était pas puissant. Hallelujah. Amen. Yeah. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe 1. Verset 10. Verset 10. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Amen. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. If a sinner entice you, si un pécheur veut te séduire, consent thou not. Ne te laisse pas gagner. Yeah. Yeah. If somebody, you know, it's our friends that entice us. Est-ce que vous savez que ce sont nos amis qui nous séduisent? Yeah, it's our friends. Ce sont nos amis. They will tell you, okay, do this, do that, okay. Ils vont te dire, ok, fais ceci, fais cela. And don't be simple. Et ne sois pas simple. Simple. Sois pas simple. Yeah, simple. Ne sois pas don't simple. Don't be a novice. Ne sois pas un novice. The Bible calls somebody simple. La Bible appelle quelqu'un un it simple. It does not analyze. It's not wise. Il n'est pas sage. Yeah. Because when they are seduced or when they are enticing you, parce que quand ils te séduisent, they will use something that you will see that ils vont utiliser quelque chose dont tu vas pas they are voir leading you into something bad. Ils sont en train de te conduire dans quelque chose de mauvais. Yeah. And when you are simple, et quand tu es simple, and you don't analyze things, et tu n'analyses pas les choses, you by the time you realize is you are dead. Et lui dit que tu t'en rends compte, tu es déjà mort. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So don't let sinners entice you. Donc ne laisse pas les pécheurs te séduire. Ne sois pas pécheur. N'aie pas une nature pécheresse. Yeah, because you hate the message. Parce que tu vas détester le message. Yeah, you don't like the message. Tu ne vas pas aimer le message quand on va prêcher. But every sin is mentioned in the Bible. Mais tout péché est mentionné dans la Bible. To help us. Afin de nous aider. You understand? Est-ce que tu comprends? It's part of the Bible. C'est part de la Bible. And we need to preach it. Et nous avons besoin de prêcher cela. Yeah. If you don't preach it, it won't help you. Si on ne prêche pas cela, ça ne va pas t'aider. Tu ne seras pas aidé. Yeah. We need to talk about them. Donc on a besoin de parler de ces péchés. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So if I preach, donc si je prêche a message, un message, that you see that you are inside the message, et tu te retrouves à l'intérieur de ce message, you are supposed to be in every message, you know that. Tu es censé. Yeah. But when it's about sin, mais quand ça s'agit, il s'agit d'un péché, prends cela. And change. Et change. Correct it. Corrige cela. Hallelujah. Amen. Ask God to help you. Come out. Demande à Dieu de t'aider de Amen. Sortir de là. Come, we'll pray with you. Viens, on va prier avec we'll toi. We'll fast with you. On va jeûner avec we'll toi. We'll help you. On va t'aider. To come out. De t'en sortir. So that we'll all go to heaven. Afin que nous allions tous au ciel. Or else you backslide. Ou alors tu vas rétrograder. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. The Bible says the word of God is the washing. La Bible dit que la parole de Dieu lave. It washes. It washes, washes. It washes. La parole de Dieu nettoie. Yeah, wash it. Wash you. La parole de Dieu nettoie. To wash the sin. If you allow the word of God, si tu permets la parole de Dieu, it wash you. Elle va te laver. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. See that every day to be washed, then one sin will fall, another sin will fall. On va voir que tous les jours un péché va tomber, un autre va tomber, un autre va tomber. Va te nettoyer, nettoyer, nettoyer. You see that now things are better. Tu vas voir que maintenant les choses sont meilleures. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? If you have a problem with a sin, si tu as un problème avec un péché, one of the ways, l'un des moyens, is to believe the word. C'est de croire en la parole. And decide that I want to do the word. Et décider de mettre en pratique la parole. And come to church. Et venir à l'église. Hear the word. Écoute la parole. Decide that I want to hear the word. Décide juste que je veux écouter la parole again. De Dieu. Je veux encore écouter la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. That word that they preach about my sin. Cette parole qu'on a prêchée sur mon péché. I want to hear it again. Je veux encore écouter cette parole. I want to hear it again and again and again. Je veux écouter encore et encore et encore. See that one day to wash it away. Tu vas voir qu'un jour ça va laver ce péché. I don't know whether you understand what I'm saying. Je ne sais pas si vous comprenez yeah. ce que je dis. Don't be angry with that message that is talking about your sin. Ne sois pas en colère contre ce message qui parle de ton péché. That's the message you need. C'est le message dont tu as besoin. Yeah, that's the message you need. C'est le message dont tu as besoin. Do you understand? Est-ce que je comprends? Yeah. Some of them are demons. Certains d'entre eux sont des démons. And the Bible says that the word of God is a light. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. The devil doesn't like the light. Le diable n'aime pas la lumière. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So as the word is coming, donc alors que la parole vient, the demon would feel uncomfortable. Le démon va se sentir inconfortable. And one day we'll leave. Et ensuite ils vont partir. You see that you are free. Et tu vas voir que tu es libre. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Yeah. So if you preach a message that you realize that. Donc si on prêche un message que tu te rends compte. Sometimes the demon that makes you feel that way. Parfois c'est le démon qui fait que tu te sentes comme ça. You don't feel comfortable. Tu ne te sens pas à l'aise. When they are preaching. Quand on prêche. Then the demon is trying to come out. Tu vois que le démon essaie de sortir. Then you are sweating. Et donc tu transpires. Yeah, it's the demon. Yeah, c'est le démon. The demon. Le démon. Yeah. Why is it that Jesus was preaching? Pourquoi est-ce que Jésus prêchait? And the demon spoke like, why have you come before our time? Et le démon a parlé, pourquoi es-tu venu avant le temps? Why do you want to cast us out before our time? Pourquoi est-ce que tu veux nous chasser avant notre temps? Yeah, demons are there. Les démons sont là. And I'll tell you, a lot of us, we have demons here. Do you know that? Nous avons des démons ici. You have some demons. Tu as quelques démons qui se cachent quelque part. Yeah, you have some demons. All of us. Nous tous. Yeah. The day that the word will come. Le jour où la parole va venir. See that the demon will go out. Tu vas voir que le démon va s'en aller. Yeah. Some of you, the demon, they stop at the door. Certains de vous, les démons s'arrêtent à la porte. They don't come. Ils ne rentrent pas. Because they don't like the word. Parce qu'ils ne vont pas aimer la parole. When you go, no, they are waiting for you there. Donc quand tu t'en vas, ils t'attendent au portail. Yeah. Have it? No. Let me tell you. Let me tell vous you. Dire. Who here? Qui ici? You came to church. Tu es venu à l'église. And there was something. Et il y avait quelque chose. And then they preach about it. Et on a prêché dessus. Then you decided that. Et tu as décidé que. In church, you decided here. Dans l'église, tu as décidé that ici. That I will not do this thing again. Que je ne veux pas faire cette chose encore. Then when you went. Et quand tu es parti. You did it. Tu as fait cela. Because the demon was waiting. Parce que le démon est resté à la porte. The demon was waiting for you here. Le démon t'attendait ici. Or at home. Ou alors à la maison. Yeah. That's why I said you need to listen to the word again. Voilà pourquoi je dis que listen tu as besoin d'écouter la parole encore. You see that encore. You will not come back. Et tu vas voir que le démon ne va plus revenir. Il ne va plus revenir. Yeah. You will receive the spirit of God. Tu vas recevoir l'esprit de Dieu. The demon will not have a place to come. Et tu vas voir que le démon n'aura pas un endroit où venir. It's a secret, though. C'est un secret. It's a very powerful secret. C'est un très grand secret. One of the things that you should be looking for. L'une des choses que tu dois rechercher, listen. C'est d'écouter. Listen. Écouter. Listen. Écouter. To the same thing. À la même chose. For several hours. Pour plusieurs several heures. Several times. Pour plusieurs and temps. You see that the message is part of your life. Et tu vas voir que le message fait partie de ta vie. That's how we receive anointing. Voilà pourquoi on reçoit l'onction. Yeah. If you want the anointing, that's what you need to do. Si tu veux l'onction, that's c'est one of the ways. C'est, là, c'est l'un des moyens yeah. que tu peux avoir. Listen cela. To it. Écoutez listen la parole. To it. Écoutez la parole. Listen to it again. Écoutez again. Encore. Again. Encore. Again. An encore. Anointing, a spirit will come. Un esprit, une onction va and venir. See that the devil ran away. Et tu vas voir que le diable va s'enfuir. See that your life will change. Et tu vas voir que ta vie va changer. Yeah. Yeah. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. If you have a difficulty about something, si tu as une difficulté à propos de quelque chose, look for a message. Cherche un message that talks about that thing. Qui parle de cette chose. And listen to it. Et écoute ce message. Once. Une fois. Twice. Deux fois. Maybe the first time you even like it. Peut-être que la première fois tu vas pas aimer cela. You won't even like the message. Tu vas pas aimer le message. But you want to mais change. Tu veux changer. So you listen to it donc again. J'écoute encore. Again. Encore. Again. Encore. Again. Encore. Again. Encore. You see that Charlie, your life is changing. Tu vas voir que ta vie est en train de changer. Yeah. See that now. See that I can do it. Tu vas voir que it's ah, possible. Je peux le faire. C'est possible. Faith will come. La foi va venir. Faith will come. La foi va venir. Faith will give you fire. La foi va te donner le feu. Charlie, it's possible. Je vais dire, Charlie, c'est possible. Je peux faire cela. I can do it. Je peux le faire. I can pass the exam. Je peux passer l'examen. Je peux chanter. Oh, I'm a good person. Je dis, oh, je suis une I bonne personne. Je peux me marier. Yeah. You have a difficulty. Si tu as une just difficulté. Look for a message. Cherche un message. Look for a message. Cherche un message. Yeah. Yeah. That's why I say listen to podcast. Bishop voilà pourquoi podcast. Je dis écouter le podcast. Le podcast look de l'évêque. Macané. Ou alors cherche le Macané. Macané. Le Macané. Il y a plusieurs messages. Do you understand? Est-ce que there tu comprends? A lot of messages. Plusieurs messages. On different topics. Sur différents sujets. Yeah. Yeah. You see that your life will change. Tu vas voir que ta vie va changer. When we started this church here. Quand nous avons commencé cette église ici. I was the prayer. J'étais leader. Celui qui dirigeait la prière. I was the Asha. J'étais le hacheur. We are two of us. We are the ushers. On était les ushers. We are the bastard leaders. On était les. Because we went to plant pool. Do you know plant pool? On est là. On a went la to bring pool. The people. On a amené les gens. I bring my car. J'amène ma voiture. Then taxi, two, three taxis. Donc, deux, trois taxis. On les emmène. You bastard leader, you think that we haven't done before? Vous les capitaines de bus, vous pensez qu'on n'a pas fait ça? When they tell you go and bust the people, bring the people to church, you can't. Like it's difficult. Quand on vous dit prenez les bus et amenez les gens, vous pensez que c'est compliqué, mais nous avons fait ça déjà. Nous avons déjà fait ça. We bring the people. À la Joe, nous avons apporté les personnes. Plan pool. Yeah. Bring the people. So I was the bus leader. Nous avons amené les personnes. Worship choir leader. Le leader de la praise and worship. Yeah. I was the only one in the choir. J'étais la seule personne dans la chorale. I was the choir leader. J'étais le directeur de la chorale. I was the preacher. J'étais le prédicateur. So, donc, I thought, you know, when we started, I thought that, oh, I can lead, I can help the people who lead, who do praise and worship. Donc, quand on a commencé, je pensais que je pouvais encourager les gens à diriger le praise and worship. So here, this, donc ici, this is where we're sitting. C'est là où on s'asseyait. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, then we are here. 1, 2, 3, 4, 5, et nous sommes then là. I'll preach. Et je vais prêcher. Lead them praise and worship. Je vais leur diriger dans le praise and worship. I realized the praise and worship is not working. Je me suis rendu compte que le praise and worship ne fonctionne pas. One day, un jour, I was sang the first song. J'ai chanté le premier second chant. Second song. Le deuxième chant. In the middle of the song. Au milieu du chant. I forgotten the song. J'ai oublié la chanson. Hey! I don't know whether I should continue or. Je ne sais pas si je devais continuer. If I want to continue, I've forgotten the song. Ou alors si je devais continuer, j'avais déjà oublié la chanson. You people, you are laughing at me. Vous vous moquez de moi. Hey, that day, I was. Ce jour, j'étais chaud. I have to end the praise and worship. Je devais terminer le praise and worship. And then do something else. Et faire quelque chose d'autre. You don't know. Vous ne savez pas. So. Donc. That day I went to him and said, I was very sad. Ce jour, j'étais très triste. I thought that, oh, I've been the priest of worship at Kodesh. Je me suis dit, j'étais dans le priest of worship à Kodesh. I was powerful, chanté, but donc j'étais that puissant. Day I realized that I wasn't powerful. Mais ce jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas puissant. So, I went to my makane. Donc, je suis allé dans le makane. Makane. Le makane. I didn't know. I wasn't even looking at anything. I was just looking for a message to je listen. Je ne sais pas. Je ne cherchais rien en particulier. Je cherchais juste un message à écouter. How j'ai to vu. Lead. Worship. J'ai vu comment diriger. I said, God, thank you. This is my answer. J'ai dit, merci Seigneur, ça c'est ma réponse. I listened to it. J'ai écouté ce message. In the evening, I listened to it. Dans la soirée, j'ai écouté ça. One of the things I learned. L'une des choses que j'ai apprises. That if I want to sing a song. Que si je veux chanter un chant. I have to listen to the song. Je dois écouter le chant. It's not because I know the song. Pas parce que je connais le chant. But I have to listen to the song. Mais je dois écouter le chant. And then sing as the leader is singing. Et chanter comme le leader chante. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And do it. Et le faire. Like the leader. I'll comme do it le leader. Be listening to it. Je vais le faire, je vais le faire. Thank you. J'ai dit merci. Second one. Deuxième chose. Second key. Deuxième clé. Is that you have to have the words of the song. Tu dois avoir les paroles du chant. I said thank God. J'ai dit merci I Seigneur. Took my laptop. J'ai pris mon ordinateur. Because I have all the songs there. Parce que j'avais tous les chants là-bas. 100 songs. 500 songs. I have them there. 500 chants. Yeah. Je les avais. I said, oh God. J'ai dit, why oh, didn't Seigneur. I take this? Mais cette chose qu'ils ont dit. So now I started to select the songs. Donc j'ai commencé à sélectionner and les chants. And then listen to them. Et les écouter. Sang them. Les chanter à la maison seul. Yeah. My wife will go and sleep. Then I'll be singing. Ma femme va aller dormir. Ils sont en train de chanter. She doesn't know what I was doing. Elle ne savait pas ce que je faisais. Know that Charlie, I'm trying to receive an anointing. Alors que j'étais en train d'essayer de recevoir une onction. Yeah. When you see me singing, you think that oh me. Quand vous voyez chanter, vous pensez que moi je. You have to learn. You have to listen. Tu dois apprendre. Tu dois écouter. Hallelujah. Amen. You are you with me? Est-ce que vous êtes? Do you like what I'm saying? Est-ce que vous aimez ce que je dis? Yeah, Charlie. So you need a message. Donc tu as besoin d'un message. If you have something that you don't know how, you are, it's difficult for you to do. Si tu as quelque chose que c'est difficile pour toi de faire, cherche juste un message. A message. Un message. Un message. Yeah, foresters, they say, oh, they will give you the song, listen to the song, so that when we come to the reza, you will not. Les choristes, on va vous donner un chant, vous demander d'écouter ce chant afin que quand on vient à la répétition. Yeah. But you don't do it. Et vous ne le faites pas. When you come, then you are struggling, then they quand vous venez, your leader will be angry. Et quand vous venez, vous ne vous en sortez pas et votre leader sera en colère. Yeah. That's what it is. You have to listen to it. C'est ce que c'est. Vous devez écouter. And sing it several times. Et chanter cela plusieurs fois. And Bishop gave a testimony on that message. Et l'évêque a donné un témoignage dans ce message. Yeah, a testimony of Americans. Des Américains. When you see American musicians. Vous voyez les chanteurs Christian américains. Christian musicians. Les chanteurs chrétiens. He said, somebody met one of them. Il dit quelqu'un a rencontré l'un d'entre eux. And or was talking about how they learn how to sing well. Et il parlait de comment ils ont fait pour they bien chanter. Always, ils ont dit à tout moment, ils ont les écouteurs. And they listen to the songs. Et ils they écoutent listen, les chants. Listen, ils écoutent. Listen. Ils so écoutent. When you see them singing like that, donc quand tu les vois chanter comme ça, they have listened thousand times. Ils les ont écoutés mille fois. Yeah. And they do all the things that the person will do in the song. Et ils vont faire toutes les choses que la personne fait dans le chant. Ah. C'est majesté. Comme majesté. No, we are singing, so stop. Are you translating that one too? Majesté. Ta grâce, ma prise telle que je suis, sans valeur, mais pour perle de prix. The how to come in, how donc to comment, help the people to sing. Donc comment aider les gens à chanter? Then say, ta grâce. Donc tu vas dire ta grâce. Sing ta grâce. Then you say, ta grâce. Tu dis ta grâce. Que je oh sans valeur, mais pour toi perle. Ta grâce, ta grâce ma. Is it on the message? Yo? It's a message. Yo? That. It's a message. It's a message I listen to. It's not something that came. It's a message. Message que j'ai écouté. It's a message I listen to. Bishop was preaching. L'évêque prêchait. Bishop preached. He preached. L'évêque a prêché. I was shocked. J'étais choqué. When I saw it, I quand said, j'ai vu cela. Bishop, with all the things that you are preaching, you're preaching about how to lead worship. L'évêque, avec toutes les choses que tu as prêché sur comment diriger l'adoration. Yeah. And he said, a pastor. Il a dit un pasteur. If you don't know how to lead worship, si tu ne sais pas comment diriger l'adoration, tu ne peux pas être un bon pasteur. I said, wow. J'ai dit wow. And it's true. Et c'est vrai. Yeah. Because sometimes you have to sing. Parce que parfois tu dois chanter. So if you can't sing, donc si tu ne peux pas chanter, and you are in the spirit, you need to sing. Et tu es dans l'esprit et tu dois chanter. You spoil the whole thing. Tu vas voir que tu as gaspillé toute la chose. I said wow. J'ai dit wow. Hallelujah. And how to hold the mic. Comment attraper he was teaching the people how to hold the mic. Il apprenait aux gens comment don't attraper le micro. Then you did like this. Faut pas attraper le micro et tu fais comme ça. Then you hold the mic like. Ou alors tu attrapes ça comme ça. It's on a message, yo. C'est dans le you message. Chorus, you go and vous les choristes, allez-y écouter ce message. Yeah. Hallelujah. Amen. So message, so that you are filled. Donc le message, afin que tu sois rempli. You stop sinning. Tu arrêtes de pécher. When you then preach a message about your sin, quand on prêche un message sur that ton should péché, be your favorite message. Ça doit être ton message favori. Yeah. You see that you'll be delivered. Tu vas voir que tu seras délivré. One time. Une fois. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So don't be angry about messages. Donc ne soyez pas en colère. Because when you are sinful, you will leave the church. You backslide. Quand tu es nature pécheresse, tu vas quitter l'église. Because we'll talk about it. Parce qu'on va parler. Yeah, I don't know your sin, no. Moi je ne connais but pas I'll ton just péché. Read the Bible. Mais je vais juste lire then la Bible. See that your sin is... Et tu vas voir que ton péché est. I don't know your sin. Je ne connais pas ton péché. Hallelujah. You understand? Because sometimes when you come, it's the Holy Spirit. Sometimes you come, they preach, you think that it's you. Parce que parfois quand tu viens et qu'on prêche, tu penses que c'est toi. Or, c'est le Saint-Esprit. Oh, does it happen to you? Et que ça vous arrive? Yeah. It's the word of God. C'est la parole de Dieu. The pastor doesn't know anything. Le pasteur ne connaît rien. Yeah. But God is trying to heal you. Mais Dieu essaie de te God guérir. God is trying to deliver you. Dieu essaie de te in délivrer. In the name of Jesus. Stand au nom up. De Jésus, levez-vous. Hallelujah. Majesté, majesté, majesté. Telle que je suis, sans valeur. Seigneur, tu m'aimes en présence de sa majesté. Oh majesté, majesté. Transforme lorsqu'on écoute, qui augmente notre foi, qui nous donne la foi lorsqu'on écoute, qui donne la foi que c'est possible, je peux tout par celui qui me fortifie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh l'imbroche, l'imbroche, l'imbroche, remplis-nous Seigneur par le Saint-Esprit. Remplis Seigneur, remplis, remplis-nous Seigneur par ton esprit, esprit de sagesse. Esprit de révélation, esprit de conseil. Esprit, Seigneur, donne-nous, Seigneur, le désir pour ta parole. D'écouter ta parole plusieurs fois, Seigneur. Pour nous transformer, pour nous changer, Seigneur. Pour nous donner l'onction, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, les bros, c'est les bas, calamabros, et que les mabras. Y que les moros, c'est les bas, calamabros. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Tu es là ce soir, tu as écouté la parole, mais tu sais que tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Si le Seigneur vient aujourd'hui, la Bible dit qu'à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas. Mais nous voulons te donner l'opportunité ce soir. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main, prie avec toi. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu veux donner ta vie à Dieu ce soir. Tu veux donner, c'est une opportunité pour toi de donner ta vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, tout le monde dise Amen.